Est-il besoin pour nous de vous décrire ce à quoi vous devez vous attendre en étant auditeur du Undead Incorporated Show Réanimation? Eh bien, je ne le crois pas. Et pourquoi? C'est simple. Nous faisons semaine après semaine, et ce depuis pratiquement 11 ans, les mêmes choses. Et ces choses sont celles-ci. On vous en fout plein la tronche, on se paye votre tête, et en plus, on vous en redonne de force. Et s'il faut que je précise encore plus, eh bien, je parle de ceci. Du métal, des insultes, du métal. Et encore des insultes, quoi de mieux que de passer 3 heures en notre si charmante compagnie et au son du plus malsain métal des ondes. Bande d'insignifiantes créatures dépourvues de toute intelligence embryonnaire. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui a échoué tous les examens de médecine et qui, en plus, l'a fait volontairement afin de prouver que la conformité n'existe que dans les livres, et sans oublier son gobelin d'assistant qui est tellement déglingué mentalement qu'un raton laveur pourrait facilement passer pour Einstein à côté de lui. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon fucking said so. Go! Of doubt in your dreams. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Hey, c'est votre vieux chummy Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est Fou. Passez nous voir, on a pour tous les goûts ici dedans. Il y a du francophone puis de l'anglophone, mais aussi les meilleurs moments d'assemblage requis, les trouvailles de Justine. Hey, je te niaise pas, je suis en train de virer fou. Encore plus fou, là. Les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique, c'est fou. Ah, vous offrir. Les jeudis, de 14h à 17h. Vendredi, 17h ou lundi, à 13h. Puis retrouvez donc les notes de l'émission puis les balado-diffusion sur assemblagerequis.com. Sur Internet, cette affaire-là encore, les niaiseries, hein? Tout en train de me voler ma clientèle, cette affaire-là. En tout cas, je suis crazy, crazy, crazy! Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation. En ce 14 février de l'an de disgrâce 2012, soirée de la Saint-Valentin, que je dois fêter dignement avec ce triste et pestilentiel gobelin, Sinistros. Hey, bonsoir. Vous savez, chers auditeurs, si nous sommes ici ce soir en train de faire une émission et que vous êtes en train d'écouter cette même émission, c'est parce qu'on a un point en commun. Ah oui? Oui. Nous refusons totalement l'aberration mercantile qu'on appelle la fête de l'amour. Alors, pour vous, ce soir, on va faire la fête de la mort. Oh, oh, mais qui les violences, mec? Ben oui, tant qu'à faire. Mais ne serait-ce que pour te contredire et ne t'en déplaise, mon cher, malheureusement, j'ai préparé un spécial Saint-Valentin. Ben, c'est ton problème. Oui, ça pourrait devenir le tien. Ah! Mais effectivement, mais avant d'aller plus loin non, dans mais ce spécial... Tu sais que dans le mot Cupidon, il y a le mot Cupide. Tout à fait. Et était-ce... Était-ce quelque chose de... Songer, papa. Toi. Non, hein? Bon. Bref, nous venons d'entendre avant cette pause publicitaire la formation Violent Fire et la pièce Desecration. Que c'est bon, ah, ben, c'est délectable, effectivement. Et tiré de l'album A Fragile King, qui, si je ne m'abuse, est le seul et unique. À moins qu'il y ait un mini-album avant ça, mais il me semble que c'est le seul. Je pense que c'est le seul full-length. Le seul full-length, oui. Effectivement. Qui est paru en 2011 sur le label Century Media et Violent Fire aura fait partie de notre One Dead. Très haut à part de ça. Et pour cause. Juste auparavant, nous avions Entombed et la pièce Chief Rebel Angel, pièce d'ouverture de l'album Morning Star qui est paru en 2001 sur Music Formation. Et je dois dire que je suis un grand fan de Entombed, mais malheureusement, cet album-là n'est pas leur meilleur. Passe point, grand-mère, okay, tout de même. Bon. Nous avions juste avant la formation Slayer, formation qui est prometteuse, mon cher. Oui, l'avenir est assez certain pour ce petit... Je serais porté à le croire, pour ce petit band de San Francisco. Oui, effectivement, qui compte dans ses rangs nul autre que le maigrichon Kerry King. Oui, le maigrichon. Slayer et la pièce Love to Hate. C'est à propos. Tiré de l'album Diabolus in Musica, qui est paru en 1998 sur American Recording. Nous avions Testament et la pièce Together as One. Seigneur, tu tripes Saint-Valentin. Ouais, mais sais-tu quoi? Ouh. Le pire, là. Tu n'y as pas passé. C'était même pas prêt. C'était même pas songé comme ça. Il semble que ça fit tout depuis tantôt. Together as One, effectivement, qui est tiré de l'album Demonic de 1997. Étiquette Mayhem, très bon album pour Testament. Et nous avions ouvert avec quelque chose qui, cette fois-ci, je dois dire, n'est absolument... Non, c'est pas faux. Corrosive Currents. Ah! T'as fait exprès. Pièce d'Oblivion tirée de l'album Carnivore Mortal Mouth. Dernière parution de cette formation montréalaise en 1999 sur l'étiquette Hypnotique. Voilà. Ce soir, Sinistros a des présentations d'albums à nous faire. Des choses qui vont sûrement être, ma foi, fort peu intéressantes. Ben, notre premier bloc peut être déplaisant pour toi. Ouais. Là, peut-être que. En tout cas, ou au moins le premier album que tu vas présenter, là. Bon, c'est bon. Ben, on reviendra là-dessus. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, ce que j'irai faire, c'est j'irai faire des courses. C'est ça. J'irai courir à l'entour de l'université, là. Une course dans le sens d'emplette, pauvre tâche. Ah! Ben ceci étant dit, je vais vous parler aussi de cinéma un petit peu plus un peu plus tard dans l'émission. Moi aussi, j'ai des trucs que j'ai découverts le week-end dernier, quoique j'ai été assez mollo là-dessus parce que j'ai été accablé d'un ignoble virus qui m'aura... Et pour une fois, c'était pas moi, c'était... Ouais, c'est ça. Mais je l'ai peut-être attrapé de toi. Non, je penserais pas. Non? Je pense que oui, moi. Non. Quand je regarde ton hygiène, je me dis qu'à peu près... Quand on dit qu'on est pestilentiel, normalement, c'est que la peste est de nous. Si j'avais voulu te rendre malade, j'aurais pas fait les choses à moitié. Ben, pour une fois. Ouais. Pour une fois, t'aurais pu te forcer, puis justement, pour aller faire à moitié. Bon, OK. Ceci étant dit, mon cher Sinistros, tu sais, c'est la Saint-Valentin ce soir. Mais... Pour nous, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très significatif. Ouais, mais pour certains, oui, peut-être oui, que oui. Oui. Puis moi, ce soir, je voulais me faire plaisir parce que tu te rappelles que j'ai dit il y a 2 ou 3 semaines, la semaine prochaine, je me propose de faire un spécial de ce groupe-là, puis t'as dit... Ben, c'est pas un spécial, c'est une pièce, que je la dédie à tous ceux qui veulent fêter à Saint-Valentin, parce que moi, ça me fait plaisir d'écouter ça, 'cause I'm the fucking king of the nighttime world. Go! Living at home, stop. Yeah! Là, je me suis fait plaisir, mon ami. Roche et roule. Ah! Pardon, j'en suis encore tout estomaqué. Bouche bée, oui. Kiss est la pièce King of the Nighttime World, tirée de l'album Kiss Alive 2, qui est paru en 1977, un vrai bijou. Et je dois dire ici, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette expression, ce n'est pas le roi du temps de la nuit, mais c'est bien celui qui en baise le plus. Non, ouais. Ouais! Donc, je me suis fait plaisir, je suis très heureux. Ça, ça le battait de Gene Simmons, ça. Ben, c'est pas lui qui chante, en tout cas. Non, mais c'est lui qui en baisse de plus, par exemple. Probablement. Probablement. Ceci étant dit, c'était notre spécial Saint-Valentin. J'espère que ça vous aura plu, parce que nous autres, maintenant, on retourne à l'antithèse. On passe aux choses sérieuses. Une chose, Sinistros, qui est justement sérieuse et qu'on doit annoncer parce que la semaine prochaine, on fait un spécial. Ah, ben oui. Ben, en fait, la semaine prochaine, on va avoir chacun et respectivement des albums à présenter qu'on va faire en début d'émission. Donc, on va retirer chacun deux pièces des albums qu'on va présenter. On va présenter ça. On va faire le commentaire qui s'ensuit et tout à fait approprié, nous osons l'espérer. Mais, qui plus est, la semaine prochaine, nous faisons le Metal Massacre Fair. Ooh. Et ça, on vous explique ce que c'est. Ça sera, je dirais, 85 à 90% de l'émission consacrée uniquement aux pièces les plus destructives du métal. Ce qui va être le plus extrême, le plus, par moment, inaudible, nous l'espérons, et probablement aussi ce qui est le plus malsain, peut-être même le plus mauvais par moment. Le pas gentil, pas gentil. Très, très méchant métal. Donc, la semaine prochaine, ce sera le Metal Massacre Fair. Et puis, on va se consacrer à faire quelque chose qui va être tellement décapant que vous en demanderez plus jamais. Ceci étant dit... c'est encore curieux, ça. Peut-être, c'est vrai qu'on juge peut-être mal la nature humaine. C'est encore très curieux, ouais, ça, mon ami. C'est vrai. Mais bref, on aura beaucoup de plaisir à faire ça, puis on espère que vous en aurez beaucoup moins que nous. Maintenant, tu nous proposes quoi? Ben, formation française qui est à son premier album que j'ai trouvé fort intéressant. Toi, je sais que t'es pas très, très amateur de black metal. Mais non, c'est un album qui est très, très bien construit puis avec une production, une excellente production. Le band, c'est Malmort et l'album, c'est Vox in Excelso qui comporte tous les titres. Sauf un, sont en latin. Ils ne chantent pas en latin, mais les titres des pièces sont en latin, sauf un qui est en français. Mais t'en as déjà passé du Malmort. Non, je ne peux pas avoir passé ça, c'est tout récent. C'est le premier album? C'est le premier album, c'est sorti le 1er janvier. J'ai déjà entendu ça de toi, ce nom-là. C'est peut-être un autre nom, tu te mélanges peut-être avec... Ah, c'est possible, oui, OK. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais peut-être que tu as rêvé à ça aussi. J'espère que non, parce que c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. T'appréhendais. Non. C'est ça, appréhension, voilà, c'est bon, c'est le bon terme. Album qui est consacré à l'histoire. L'histoire de l'art. Non, pas l'histoire de l'art. Non, surtout pas. OK. C'est l'histoire qui se passe au début des années 1300, octobre 1307, très précisément, alors que les Templiers passent à l'interrogatoire pour finalement... être accusé de sorcellerie pour... De paganisme. Pas de paganisme, c'est vraiment de sorcellerie. Parce que le roi à l'époque, Philippe le Bel, il a obligé Clément V, le pape Moumoun de l'époque, il n'a pas ses culottes, il avait juste une soutane. Il n'a pas ses culottes et on veut pas savoir pourquoi tout le temps. Non, ben c'est ça. Ils ont ordonné, parce qu'on sait que les Templiers, c'était vraiment les chevaliers de l'Église. Oui, effectivement. Alors, Jacques de Molay et ses Templiers ont été accusés de sorcellerie parce qu'ils voulaient aller jusqu'au bout de leur quête puis de leur mission qui leur avait été donnée. C'est conserver le Graal et tout. C'est allé jusqu'à... Sur le bûcher, Jacques de Molay, il a maudit le pape Clément V et toute la descendance de Philippe le Bel. Ils ont maudit sur le bûcher. C'est trois jours après, Clément V est décédé. Deux mois après ça, Philippe le Bel est décédé. Puis toute la lignée au complet, ils n'ont jamais réussi à taffer sur le trône. Là. C'est une vraie malédiction. Alors, cet album, ça parle de ça. C'est la chute des Templiers par le bûcher. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, je sais que tu es un passionné de cette, moi, j'aime cette saga historique des Templiers. Parce que... J'aime le côté historique de la religion catholique, toutes les niaiseries qu'ils peuvent faire. Ouais, c'est ça, les controverses. Puis, c'est ça, tu sais, moi je trouve que c'est une très, très triste histoire. mérite quand même malsaine, puis ça mérite d'en parler dans un album. Ben oui, pourquoi pas. Alors, on va entendre les deux premiers. Ben, finalement, on skip l'intro de l'album, qui est une espèce d'intro, comme une genre de messe. C'est assez cool, là. Ça va être les pièces Cruciatus et Templi Secretum, qui c'est le secret du temple, finalement. Ça veut tout dire. Ben, écoute, on va aller découvrir ça, moi. Allons-y, voici Malmort avec l'album Vox in Excelso. Comme il le disait. Allez tous vous faire foutre. Voilà. Chaque mercredi à partir de 22h sur les ondes de C'est Fou 89.1, le Transformer vous fera découvrir le style trance ou trance à travers des remixes et des transitions qui vous transporteront dans cet univers translucide du techno progressif où les mélodies se transforment de manière à vous amener en état de trance. C'est un rendez-vous chaque mercredi à 22h sur les ondes de C'est Fou. Tout le monde peut participer aux Journées de la persévérance scolaire. Du 13 au 17 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte d'encouragement sur soyonscompères.com. Getaroom.ca présente les spectacles de Joey Cape et Hugo Moody à l'espace Hyperion le jeudi 9 février prochain. William Fitzsimmons et Denison Whitmer au Cercle le dimanche 12 février. Pour la Saint-Valentin, The Queers, The Ataris, Far From Finished, Summer Cheers et Portland au Dagobert le 14 février. The Wooden Sky au Cercle le samedi 25 février. Et Young the Giant et Walk the Moon au Cercle le dimanche 4 mars prochain. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via getaroom.ca. Allez visiter la page Facebook de Getaroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com/getaroom.ca. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Samedi 11 et dimanche 12 février, championnat de natation universitaire au CAPS de l'UQTR. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Ouais. Il est maintenant 20h06 à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Et vous êtes à l'écoute, qui plus est, Réanimation. Et l'émission qui tranchouille les gorges... Entre autres. Depuis maintenant pratiquement 11 ans. Effectivement, au mois de mars, ça fera 11 années consécutives de lacération cervicale à coups de décibels métalliques. Et de ripping headaches. Oui, pas pour nous, là, pas pour moi, en tout cas. Là. Peut-être pour certains, effectivement. Ben pour ceux qui vont aux toilettes ici, en sortant de la chasse-galerie, oui, peut-être que ça peut causer des maux de tête à l'occasion. Mais ça peut être aussi un excellent laxatif. Oui. Que venons-nous d'entendre? On vient d'entendre une portion à l'image de ce que tu détestes le plus dans le métal. Non, mais ça n'a pas l'air si pire que ça, parce que t'as avoué que Malmort, ouais, c'est pas pire. Ben, la première pièce, le deuxième un peu moins, mais la première pièce, bon. Là, c'est un collègue. On vient d'entendre formation suédoise Watain. Watain sera avec Behemoth au mois de mai, le 9, si je ne m'abuse. C'est pas mal aussi, ça. Oui, c'est très bon, j'adore ça. C'est pas le meilleur album, là, mais ça fait un job. C'est tiré de, tu sais, la pièce Reaping Death, qui est tirée de l'album Lawless Darkness de 2010. C'était sorti sur Season of Mist. En fait, c'est le 9 mai que Behemoth, Watain, Devil's Blood et In Solitude seront au Club Soda. Ça va être un bon show, ça. Probablement. Tout juste avant, on a eu les Montréalais de Scum Sentinel avec la pièce Cyber Satanic Power Mastermind qui était tirée de l'album Sentinel of Scum de 2011. Scum Sentinel sort un nouvel album qui va s'intituler Scum Shot. Ça va sortir fin mars, début avril, encore sur PRC Music, qui est pro-disque dans le fond. Et on a commencé avec la formation française Malmort et le premier album Vox in Excelso, qui est sorti au début janvier sur Haswag Productions. Ouais, Watain aussi, c'était pas mauvais. Oh, c'est très bon, j'aime bien ça. Ben, c'était pas mal le fun, ça. C'était cool. Attends, là, mon prochain bloc est typiquement heavy metal. Ben oui, je vois ça. Ça va être très bon. On va se rappeler notre poil argenté. Ça va être cool. Ben là, à l'époque, j'espère qu'il l'était pas. Ben non, mais maintenant, oui. Ah, OK. Pour le peu de poils qui me reste, justement. Ben, c'est à l'image de ce qu'il y a en dessous. Non, mais faut pas que tu regardes là. Parce que vous savez que Sinistro, si on le branle un peu, on entend gling, gling, gling. C'est le pouvoir qui sert de cerveau qui. Bref, ceci étant dit, il est 20h09 et je veux vous parler brièvement de quelques trucs au niveau cinématographique. Parce qu'il y a quelque chose qui risque. Ben, ça va être une année assez forte là, au niveau des super-héros parce qu'on va avoir, entre autres, le 4 mai, on va avoir The Avengers, qui risque d'être vraiment bon. Ouais, effectivement. On va avoir le 20 juillet. The Dark Knight Rise. J'ai vu quelques small previews. Ouais, peut-être très shortcut, là. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Et c'est encore avec Christian Bale, ouais. Donc ça risque d'être vraiment bon. Mais chose intéressante, ben je dis intéressante, oui, mais est-ce que ce sera à la hauteur? Le 3 juillet, c'est The Amazing Spider-Man. Ouais, mais c'est pas. C'est pas Sam Raimi qui est derrière l'acteur, ça. C'est pas Tobey Maguire. Non. En fait, je pourrais pas vraiment t'en dire grand chose parce que je les connais pas vraiment. Ça m'a pas dit grand chose. Mais en tout cas, ça risque d'être intéressant. Mais il y a une chose qui risque d'être vraiment bonne aussi, c'est le 11 mai, c'est The Dark Shadows, qui est un film de Tim Burton et qui met en vedette son acteur fétiche, Johnny Depp. Très bon acteur. Oh, ça risque d'être une. Qui est une valeur sûre. Oui, effectivement, qui est un trailer. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Il y a des trucs comme ça qui s'en viennent, d'après moi, assez prometteurs. Pour les amateurs de Star Wars dont je suis, eh bien, présentement, vous pouvez revoir le Phantom Menace, qui est le premier volet. Le premier volet, en fait, ouais. Premier volet qui est paru en quatrième position, mais en version 3D. Ça risque d'être assez capoté comme effet. Ben, moi, 3D, je suis jamais allé au cinéma pour aller écouter un film 3D. Le seul genre de 3D que j'ai vu, c'est après un documentaire de 45 minutes au IMAX. Oui. Puis au bout de 45 minutes, j'avais mon troc. Tu l'avais, ouais, écoute. Ben, moi, parce que mes yeux, ma vision est comme, moi, j'ai l'œil droit qui marche juste à 20%, puis à un moment donné, je viens que je focus plus, puis. Ah, ben, ça explique bien des choses. Moi, je peux te dire que c'est pas rien que ton œil qui marche rien qu'à 20%. Non, hein. C'est à moitié du cerveau aussi. C'est ça, parce que tu sais que l'œil est branché directement avec deux points principaux. Le cerveau est un beaucoup plus bas. Ah, ben, beaucoup plus bas, ça, j'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est en salle présentement, Star Wars de Phantom Menace, c'est en 3D. Il y a quelque chose aussi qui risque d'être fort intéressant. Ben, en fait, le 17 février, si je m'abuse, c'est bien vendredi. Ben oui. C'est Ghost Rider, Spirit of Vengeance, qui tombe en salle. Ben, tu vois, j'ai vu les previews de ça, Ghost Rider, puis je discutais avec ma conjointe. Ça a l'air qu'il y a un 1. Oui. J'ai pas vu. Ah, t'as pas vu le 1? Ben non. C'est correct. C'est correct. Oh, ben, il va falloir que j'essaie de voir le 1 avant de voir celui-là. Ça serait préférable. C'est avec Nicolas Cage, puis il fait une belle job. C'est bien. C'est pas le meilleur film de super-héros, mais c'est assez bon. Un film qui risque d'être vraiment bon, qui sort le 22 juin, c'est Abraham Lincoln Vampire Hunter. Et ça, je te dirais que ça risque d'être bon pour une seule, ben, en fait, deux raisons. C'est que c'est un film qui remet, ben en fait, très... Ben, non, je dirais peut-être plus victorien. On sait tous qui est Abraham Lincoln, j'espère pour le moins, là, que c'est un des présidents des figures de proue là, des États-Unis. En fait, s'est rendu célèbre grâce à la guerre de sécession, entre autres, de ses décisions qui étaient pour abolir l'esclavage. Mais le film fait un penchant pour dire qu'Abraham Lincoln avait une deuxième vie, une vie cachée, qui était chasseur de vampires. Oui, mais ça risque d'être vraiment cool. Moi, honnêtement, pour ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent, c'est un bon teaser. Si vous êtes amateur de films de zombies qui ont rapport avec le Troisième Reich, il y a deux films qui pourraient peut-être vous intéresser, qui sont en pré-production présentement pour 2010. C'est des zombies nazis. Oui, mais en fait, ça prend essence, ce genre de d'inspiration de cinéma-là prend essence parce que historiquement parlant, Adolf Hitler a consacré énormément de temps et d'argent du Troisième Reich à la quête de l'occultisme. Parce qu'il était convaincu, et il le croyait vraiment, en fait, certains de ses hauts gradés aussi le croyaient, qu'il pouvait, en allant rechercher les forces obscures, avoir une invincibilité au niveau militaire, mais chercher la quête de l'immortalité. Oui, mais c'est pour ça que dans plusieurs films de ces années-là... prendre Diana Jones, c'est là. Ça, les Allemands sont toujours là, tu sais, sont. Exactement. Indiana Jones, c'est une très bonne comparaison. Si tu prends le premier, c'est un film de super-héros. Hellboy. Oui, Hellboy, effectivement. Hellboy, au début, on voit ça aussi. Donc, il y a deux films qui s'appellent Outpost Black Sun, qui sortira en 2012. Il n'y a pas de date arrêtée encore. Puis, il y a un autre film qui, celui-là, et ce sont certainement des séries B, un film qui reste d'être intéressant qui s'appelle Frankenstein's Army. Et on découvre dans un champ d'un petit village allemand, plusieurs années. Encore les Allemands. Ben oui, évidemment. plusieurs années après la Deuxième Guerre mondiale, un crâne qui est sectionné en deux avec un morceau métallique entre les deux, le casque des fameux fantassins allemands, Troisième Reich, qui est complètement riveté sur le crâne. Et le film raconte que, puis ça, encore là, c'est tiré de faits qui sont relativement réels. C'est que Hitler, dans sa recherche de l'occultisme, voulait reprendre les corps inanimés de ses soldats morts au combat et les réanimer pour les ramener. Et le film traite de ça. Pourquoi pas? Ça coûte moins cher à l'État. Ben, on le fait nous autres même pour ça. Tu fais une armée de zombies. Pas moins de nourrir ça. C'est sûr que ça va faire la job. Ben, je présume que oui. Ben, en fait, bref. T'as plus de balles pour tirer. Si tu manges, c'est pas plus grave que ça. Ouais, c'est ce qu'on appelle manger une viande avariée. J'ai écouté un film le week-end dernier qui est un, je sais pas, XM remake là, du traditionnel Three Musketeers, qui met entre autres, non pas en vedette, mais en grand acteur de soutien, Orlando Bloom. Et c'est excellent. C'est vraiment bon. Je vais en parler plus profondément la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps encore de mettre la chronique sur le site, donc je vais avoir le temps de faire ça cette semaine pour vraiment faire une critique. Mais si vous avez une chance de tomber sur ça, le film. Ça, c'est sorti en DVD? Oui. Si vous avez une chance de mettre la main sur le Three Musketeers, là, c'est vraiment très, très bon. Ceci étant dit, côté maintenant musique, on va continuer dans cette direction. Avec de la musique. Oui, mais aussi dans le même esprit que toi, ben quoi qu'un petit peu plus gentil, là. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, et puis étrangement, j'ai programmé un bloc de black metal. Et je t'arrête de te pervertir. Non. Non. Ça risque non, pas d'arriver, mais il faut que j'avoue quelque chose. C'est que quand je préparais l'émission la semaine dernière pour cette semaine, j'étais dans les rayons de mes disques, puis je me disais, qu'est-ce qu'il y a longtemps que j'ai pas passé? Ben, je me suis dit, du black metal. C'était assez évident, j'en parle jamais. Fait que je me suis dit, bon, ben, regarde. Puis ce que j'ai, c'est 3-4 bandes que j'ai sélectionnées, puis honnêtement, je les toffe en masse, ces bandes. Mais je ferai pas de détour pour les écouter. Bref, on va les taper à l'instant Satyricon et la pièce Black Crow on a Tombstone. Tu entends qu'à côté du Sinistros a passé, là, c'est des balades pour enfants. C'est gentil. Oui, go.

Chaque mercredi à partir de 22h sur les ondes de C'est Fou 89.1, le Transformer vous fera découvrir le style trance ou trance à travers des remixes et des transitions qui vous transporteront dans cet univers translucide du techno progressif où les mélodies se transforment de manière à vous amener en état de trance. C'est un rendez-vous chaque mercredi à 22h sur les ondes de C'est Fou. Tout le monde peut participer aux Journées de la persévérance scolaire. Du 13 au 17 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte d'encouragement sur soyonscompères.com. Getaroom.ca présente les spectacles de Joey Cape et Hugo Moody à l'espace Hyperion le jeudi 9 février prochain. William Fitzsimmons et Dennison Whitmer au Cercle le dimanche 12 février. Pour la Saint-Valentin, The Queers, The Ataris, Far From Finished, Summer Cheers et Portland au Dagobert le 14 février. The Wooden Sky au Cercle le samedi 25 février. Et Young the Giant et Walk the Moon au Cercle le dimanche 4 mars prochain. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via getaroom.ca. Allez visiter la page Facebook de Getaroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com/getaroom.ca. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Samedi 11 et dimanche 12 février, championnat de natation universitaire au CAPS de l'UQTR. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1. Il est 20h41 et vous êtes toujours à réanimation des Under the Incorporated Show. Et oui, je dois avouer que le bloc qui vient de passer à l'instant se terminer était un bloc black metal et qu'il était de mon cul. Je m'en excuse. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a tous. C'était du black gentil. Ou c'était du black gentil, au moins. C'était du black que ce que je considère comme étant de qualité. Et encore là, est-ce que le terme s'applique à ce style musical? J'en ai aucune idée, mais disons que c'était pour le moins du black qui, selon moi, je dis bien selon moi, c'est pas mal plus écoutable que ce que tu peux penser. Tu connais rien à l'hockey, là. Oui, t'as raison, je connais rien là-dedans, c'est vraiment pas mon intérêt de continuer. Mais qui plus est, c'était Demo Borgir et la pièce Cataclysm Children que l'on retrouve sur, je dois dire, un très bon album, Death Cult Armageddon, qui est paru en 2003 sur Nuclear Blast. C'est une bonne crue. Oh, c'est un très bon crue de Demo Borgir. Juste avant, une très très bonne pièce, The Immortal, Where Dark and Light Don't Differ, qui est tirée de l'album At the Heart of Winter de 1999. Bon, oh, tout oui, le moi temps. J'aime ça. Immortal, c'est correct, là. Donc, The Heart of Winter qui est paru en 99 sur Osmose Production, Marduk et la pièce Funeral Down que l'on retrouve sur le dernier album Fallen. Selon moi, t'as pas choisi un meilleur tune de Marduk. Selon toi, ferme ta gueule. Moi, je l'ai choisi parce que je l'aimais, pauvre cloche, là. Mais. Parce que le reste de l'album, je le trouve bien ordinaire. Ouais, mais tu sais, cette tune-là, là, à lenteur qu'elle avait, moi, j'aurais aimé un peu plus de lourdeur. Ah non, mais viens pas me dire que t'aimes pas Scarecrow Ministry. C'est super lent. Oui, mais c'est pesant. Ouais, c'est vrai que ça manquait un peu de l'eau. C'est lourd, ça a du gras. C'est vrai, ça en manquait un peu. C'était un peu des os. C'était un petit peu des. Comment on dit déjà? Désossé. Non, pas désossé. Dégraissé. Ouais, c'était dégraissé. Ça valait une petite caille, là, mettons. Ouais, c'est ça. C'était un petit poulet. Un petit poulet. Donc, Marduk et la pièce Funeral Down tirée du dernier album Wormwood, qui est paru en 2009 sur Regain Records. Un verre de bois. Ouais. Et nous avions ouvert avec Satyricon et la pièce Black Crow on a Tombstone, qui est tirée de l'album The Age of Nero, paru en 2008 sur Cock Record. Ceci étant dit, plaçons maintenant quelques dates de spectacles à venir. Demain, au Métropolis, à Montréal. C'est un spectacle que Sinistro s'est empêché d'acheter ses billets. In Flames, Trivium, Veil of Maya et King. Et grand-mère, les avez-vous achetés? Hey, mon petit mouillé, citoyen! Ah, cette grand-mère! Arrête de te marquer les personnes arrosées, mon petit tabarnouche! Dans votre cas, c'est plutôt personne momifiée. Donc, comme je disais, Inflames demain au Metropolis de 19h30 au coût de 30 et 72 et 35 et 10 plus taxes. C'est pour tous. Les billets sont disponibles par Ticketmaster. Children of Bonham. Children of Bonham, accompagné des Lovities, Revocation et Trade Signal. C'est le 27 février, un lundi à 19h. C'est au Metropolis. Il en coûtera 35 et 10 et 39 et 49 plus taxes. Et c'est pour tous via Ticketmaster. Un pestac qu'on va aller voir. Eh oui. Dayside, Jungle Rot, Abigail Williams et Le Keros Nocturne. Dimanche le 4 mars, dès 19h, au Foufounes Électrique. Au Foufounes Électrique. C'est un drôle d'annonce, hein? Ben, c'est parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, là. Où est-ce que les Foufounes marchaient à l'électricité? Ben, ouais. Où est-ce qu'ils se pluguaient le 220 dans le derrière. Pis, ça devait être fort agréable. Ils dansaient le pogo sur le stage. Donc, le 4 mars, Foufounes Électrique, Dayside. Il en coûtera 20$ et 25$, taxes incluses. C'est disponible via Anition, ce n'est pas pour tous. Pagan Fest, America Part 3, Tourissas, Alestorm, voilà. Hailstorm, ben oui. La bière. La tempête de bière. Exlio, Arcona, Antres, c'est le 1er avril, un dimanche à 19h, c'est pour tous. Au Club Soda, il en coûtera 26,33 et 30,72, plus taxes pour y assister. C'est disponible les billetteries du Club Soda. Et nos spectacles où nous irons. Oh, que oui. L'Heritage Hunter Tour, qui met en vedette Hopeth, Mastodon et Ghost, vendredi le 6 avril à 20h, au Metropolis, au coût de 41,75 et 52,15, taxes incluses. C'est pour tous, c'est disponible via le site Evenco est là, Greenland aussi. 7 mai, Sabaton, au Petit Campus, compagnie de Eclipse Prophecy. Il en coûtera 20$ et 25$, taxes incluses, pour y assister via admission. Behemoth, Watain, qu'on a entendu tout à l'heure, The Devil's Blood, très bon band d'ailleurs. Oh, c'est très très bon. Mais c'est juste drôle que ça fit pas, me semble. Ça fit pas, effectivement, ça fit pas, mais c'est, bref. Et la formation In Solitude, c'est le mercredi 9 mai de 19h au Club Soda au coût de 26 et 9 et 30 et 44 plus tout, plus taxes. C'est pour tous et c'est disponible encore une fois à la billetterie du Club Soda. Belphegor, c'est annulé. Kitty, c'est au mois de mai, le 21. Kitty Blackguard. Kitty, Diagonis. C'est métal, ça? Ben, métal. Hard rock, là. OK. Ben, en tout cas, quand je regarde la bête, je me dis qu'ils sont minimalement hard rock. Allez, go. C'est pas grave, ça. On n'ira pas pareil. Mais non. Ben, tu nous as préparé un bloc qui est de... Mauvais goût. Ouais, comme toujours. Non, on n'est pas obligé de le dire, tout le monde le sait, ça. Non, un bloc qui est un petit peu plus conventionnel. Traditionnel heavy metal. Heavy metal avec une formation suédoise qui a pour titre Ram, qui nous lance son deuxième album qui s'intitule Death. Ram nous fait un heavy metal dans la plus pure tradition des monstres sacrés des années 80. Ils sont allés puiser dans à peu près tout ce qui se faisait de bon, puis ils sont inspirés de ça, puis c'est ça que ça donne. Fait qu'il n'y a rien inventé ici, juste de l'efficacité, du plaisir, du fun, puis de l'agrément. T'as pas eu le temps de faire ta chronique sur Ram? Elle est disponible sur hurlemort.com. Sur hurlemort, tu as donné quoi comme cote? C'est un 8 sur 10. C'est un 8 sur 10? Oui, ah, c'est bien. C'est bien. OK. Oui. Non, ça fait un job. C'est un album de party, ça rappelle notre jeunesse. Tu sais, c'est... Puis t'as tout là-dedans. T'as du Accept, t'as du Priest, t'as du Anthrax un peu. T'as du 7-Up. 7-Up, un peu de coke, puis un peu de rhum mélangé. Ça. Ben oui, de l'orange crache, puis de la poutine. C'est merveilleux. Non, pas de la poutine, parce que le lendemain de party, c'est pas très bon. Ben non, c'est de la poutine, tu mangeais pas ça. Le lendemain du party, tu mangeais la veille, le soir même, en fin de party, pour t'engorger au maximum. Ah. C'est pour ça que le lendemain, t'étais batté. C'était pas à cause de ce que t'avais ingurgité, c'est parce que c'était la finalisation de ton party qui te tuait. Ah. Hey, on a pris un petit peu de retard au niveau des publicités, donc on va y aller tout de suite en publicité, puis en revenant, on tombe avec Ram. Oui, effectivement, on va y aller avec les pièces Comes from the Mouth Beyond et Flame of the Tyrants. Go! Getaroom.ca présente les spectacles de Joey Cape et Hugo Moody à l'espace Hyperion le jeudi 9 février prochain. William Fitzsimmons et Denison Whitmer au Cercle le dimanche 12 février. Pour la Saint-Valentin, The Queers, The Ataris, Far From Finished, Summer Cheers et Portland au Dagobert le 14 février. The Wooden Sky au Cercle le samedi 25 février. Et Young the Giant et Walk the Moon au Cercle le dimanche 4 mars prochain. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via getaroom.ca. Allez visiter la page Facebook de Getaroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com/getaroom.ca. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! Salut, mon Danny! Ah, salut. Ça a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je pense que je suis du bout de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, moi, t'arranger ça. Wow, wow, aussi que tu m'amènes, toi, là, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon Danny, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70, boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc? Juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite internationale et la connerie humaine, dans le dîner de cons sur C'est fou 89.1. Toute une semaine. Le dîner de cons est une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 41-70, oui, Boulevard des Forges. Je sais, c'est constructif. Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. 89.1. We'll be right back. ser med dom och vaka till själva foten genom vilken döden stiger. notre mission pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes! Vivez les Patriotes de l'UQTR. Samedi 18 février, les Patriotes hockey affrontent Ryerson en quart de finale au Colisée de Trois-Rivières à 14h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/Patriotes. En 1962, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'automobile et surtout à l'écoute de sa clientèle voit le jour. Encore aujourd'hui, le garage Yves Gauthier se démarque par son service exceptionnel. Que ce soit pour l'entretien préventif, la mécanique générale, les pneus, le traitement de tirouille et son service de carrosserie, notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le garage Yves Gauthier, des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, garagegauthier.ca. QuébecPunkScene.net, le site de l'actualité punk, ska, emo et hardcore du Québec. Avec une liste de concerts mis à jour quotidiennement et une fiche détaillée de plus de 500 groupes québécois, QuébecPunkScene est sans aucun doute le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur QuébecPunkScene.net. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 21h14. Nous sommes rendus dans le dernier décan de cette édition de réanimation. Les derniers mille. Mais il reste encore des bonnes choses à vous faire subir. Donc, qu'étais-je? Qu'étais-je? On vient d'entendre la formation américaine Anthrax. Pourquoi j'ai marqué Canadien? Qu'est-ce que c'est ça? Anthrax, canadien? Mais non, Anthrax, pas canadien. Mais maintenant, ça l'est, tu l'as marqué. Maintenant, oui, j'ai décidé que maintenant, c'était canadien. La pièce Stand or Fall, qui était tirée de l'album Spreading the Disease, deuxième album de la formation, paru en 1985 sur, est-ce que ça existe encore, Island Records. Je sais pas. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, ça qu'on parlait hors onde. Mm. On a eu la formation canadienne, cette fois-ci, Anvil, avec la très excellente pièce On Fire, qui est sorti sur le très excellent album Juggernaut of Justice de 2011, qui était apparu sur DN Records. Album qui aurait pu se retrouver dans mes tops, mais que, du coup... Ça ben, qui s'est retrouvé dans tes tops, mais au-delà du 30e. Au-delà, c'est ça, c'est en plein ça. On a eu The Lord Wears Slugfag, formation américaine, avec la pièce de 95 Thesis, qui est apparu sur The Animal Spirits de 2010. C'est pas leur meilleur album, mais ça fait quand même la job. Si vous voulez un meilleur album de Lord Wistock Fake, procurez-vous Traveler, qui est paru en 2003. C'est un très, très, très bon album. C'est apparu sur Profound Lore. Et on a commencé avec la formation suédoise Ram. Ram qui fait dans un heavy metal très générique, très traditionnel, très conscient de ses classiques puis qui dans lesquels il s'inspire. Là, on a entendu les pièces Comes to the Mouth Beyond et le single Flame of the Tyrants. C'est un album que j'ai donné 8 sur 10. Que j'aime ça, c'est bon. Ben, t'as le droit. Oui, oui. Ben oui. Il y a juste les incultes de ma vie. Eh oui, que voulez-vous? Non, non, non. Ceci étant dit, spectacles qui sont à venir dans la région immédiate. Trifluvienne, Trois-Rivières Metal présente samedi le 10 mars au Rockefeller Stage. Blackguard, Blinded by... Non, je pense que j'en ai sauté un, excusez. Oui, le samedi 3 mars au Rockefeller Stage. Blind Witness, Hopeless Nation, Hear My Words et Worth Dying For. C'est à 19h, début du spectacle à 20h. La coûte de 12$, c'est pour tous au Rockefeller Stage le 3 mars. Le samedi 10 mars, Blackguard, Blinded by Faith, Morgue et North Theme. C'est à ouverture des portes à 19h, spectacle à 20h, c'est au coût de 12$ et c'est pour tous. Samedi 7 avril, à l'Acrobar, ici au centre-ville de Trois-Rivières, Riotor, hommage à SOT, Fuck the Middle East, Phosphorus, Satanic Glue, Sniffers. Ooh. C'est à 20h, il en coûtera 5$, il faut avoir 18 ans et plus. Samedi 14 avril, Rockefeller Stage, à 20h, Unexpect, Obscurcis Romancia, Troll Hames et Carcaos. C'est au coût de 15$ et c'est pour tous. Trois-Rivières Metal Fest 2012, 12e édition. Se commettra cette année, vendredi 12 et samedi 13 octobre à la bâtisse industrielle. On n'a pas plus de détails, mais ça devrait arriver sous peu. Ceci étant dit, maintenant, je sais, j'ai passé outre cette semaine, jusqu'à présent, de ce qui est le death metal, mais je me reprends à l'instant avec des formations qui sont tout aussi ordinaires les unes que les autres. Vomitives. Oui, non. Des trucs assez intéressants, mais on va débuter tout de suite avec une formation canadienne qui est une des rares à avoir une carrière internationale. On parle ici de... Je sais pas. Ben, voyons. Cataclysm. Ah, OK. Avec une pièce qui, en toute humilité, je dois dire, me représente bien. Oh. Oui, The Ambassador of Pain. Eh, Seigneur. Non, il n'a rien à faire là-dedans. Juste docteur, OK. This is the life we chose, the life we lead. And there is only one guarantee. None of us will see heaven. Stop it! Cherchez un endroit hors du commun pour votre bal de finissant? À 10 minutes de l'UQTR, l'Auberge Godefroy vous promet une soirée mémorable. Pour en savoir plus, contactez-nous au 819-233-2200 ou rendez-vous à aubergegodefroy.com. Getaroom.ca présente les spectacles de Joey Cape et Hugo Moody à l'espace Hyperion le jeudi 9 février prochain. William Fitzsimmons et Dennison Whitmer au Cercle le dimanche 12 février. Pour la Saint-Valentin, The Queers, The Ataris, Far From Finished, Summer Cheers et Portland au Dagobert le 14 février. The Wooden Sky au Cercle le samedi 25 février. Et Young the Giant et Walk the Moon au Cercle le dimanche 4 mars prochain. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via Getaroom.ca. Allez visiter la page Facebook de Getaroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com/Getaroom.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Bon, les boys, on va commencer la session comme il faut. Y a-tu quelqu'un qui voudrait une bonne bière? Eh oui, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as à proposer? Ben, attends une minute. J'ai de la Mort de Rire, de la Rivière Rouge, de la Route des Indes, de l'Imperial Stout. Oh, veux-tu bien me dire c'est quoi ces sortes de bières-là? Ah, tu connais pas ça? Fait que t'es en train de me dire que tu connais pas encore la barrique. La quoi? La barrique. Le paradis de la bière à Trois-Rivières. Eux autres, là, ils ont le plus grand choix de bière en Mauricie. Des conseils, du service. Tu risques d'apprendre plus de choses là-bas que dans tes cours. En fait, t'as rien qu'une chose à retenir. Bière égale la barrique. C'est juste à côté de l'université, au 41-110, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes assez fous pour l'écouter. Oh. Sakura. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, c'est très bon. Parce que... Mais c'est très inégal comme band, par exemple. Inégal. Il y a deux types de vocaux dans ce band-là. Puis ça, c'est de loin le meilleur. L'autre est un petit peu gossant par moment. Mais c'est un bon album qui est Omnivium, qui est la dernière parution de cette formation. On a entendu la pièce Ocean Gateways. C'est tiré de, comme je l'ai dit, Omnivium, qui est signé sur l'étiquette Relapse. Juste auparavant, nous avions Pestilence. Et la pièce d'ouverture de l'album Résurrection Macabre. Devouring Frenzy, qui est paru en 2009 sur Mascot Records, qui était le retour de cette formation très populaire. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont regagné un peu de popularité avec surtout cet album-là, parce que le deuxième est un petit peu plus... La dernière parution est un peu plus ordinaire. Nous avons auparavant Abysmal Down et la pièce Pixelated Ignorance, qui est tirée de Leveling the Plan of Existence de 2011 également, sur Relapse. Écoute, ça aussi, ça aurait pu faire partie là, de mes choix, mais il arrivait après le 30e très loin, choix, c'est sûr. Pas très loin, mais... très façon de parler. Après les 30 choix initiaux. Blood Red Throne est la pièce Brutalitarian Regime que l'on retrouve sur l'album éponyme qui est paru en 2011 sur Savard Records et qui a fait partie, effectivement, de cette revue. Malevolent Creation est la pièce Serial Dementia que l'on retrouve sur l'album Envy Numbed qui est paru en 2000 sur Arctic Music. Nous avions commencé avec Cataclysm et The Ambassador of Pain, tiré de l'album Serenity in Fire de 2004 sur Nuclear Blast. As usual, it's your turn to close this edition. Et dernier choix de la soirée, présentation d'un album d'une formation que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui est à son deuxième album, qui a pour titre Defender Redeemist. C'est une formation américaine qui a pour titre Behold the Monolith. Que tu sembles avoir bien apprécié. Ah, c'est vraiment bon. Qui font dans un stoner doom teinté de thrash metal et de progressive des années 70. C'est vraiment capoté. La voix est très caverneuse. Quand c'est le son stoner, c'est très stoner. Quand ça tombe thrash, c'est très thrash. Quand c'est progressif, ça tombe quasiment psychédélique. Là, c'est vraiment excellent. Mm-hmm. On va écouter deux pièces. La deuxième pièce de l'album s'appelle Half King et la troisième pièce s'appelle Desolizator. On reviendra après ça si on a... Il est quelle heure, là? 45. Yo, balai! On n'aura peut-être pas le temps. On a minimalement le temps d'écouter tes deux pièces de Behold the Monolith. Ouais, puis revenir en ondes pour dire allez vous faire foutre. De quoi du genre? OK, allons-y. Go. Behold the Monolith. Yeah. c'est la fin. Eh oui, on vient d'entendre Behold Monolith, formation américaine tirée de l'album Defender Ready Mist. On a entendu Desolator et Halve King. Je vous conseille fortement tout l'album. Ouais, c'est pas complet. Mal cool, ça. Juste pour la toune, Ready Mist, ça vaut l'album au grand complet. C'est très bon. Une toune de 11 ça. Ou 12 minutes, là, c'est vraiment bon. Les côtés prog sont là, les côtés stoner sont vraiment cool. C'est un excellent son. Ben, c'est le temps de finir. Ouais, on va se quitter avec une dernière pièce. Oui, il y a une autre formation américaine qui s'appelle Lair of the Minotaur. Ouais, c'est cool, ça. On va entendre la pièce Attack the Gods qui est tirée sur l'album Evil Power de 2010. La semaine prochaine, moi, en ce qui me concerne, en début d'émission, je vous présenterai deux pièces du dernier album Orange Goblin, Elegy for the Damned. Tant qu'à toi. Je ne sais pas encore, là. J'ai le choix entre deux, en tout cas. Et après, nous tomberons dans notre Great Massacre Metal. Toi, tu présentes combien d'albums? Bon, juste un. Juste un. Ben, moi, regardez ça au courant. Ouais, juste un. Ben, peut-être que je vais présenter deux pièces de Psycho Trick, je ne sais pas encore. Mais bref, Orange Goblin, c'est certain que j'ouvre l'émission avec ça. Comme ça va être The Great Metal Massacre Fair. Excellent. Alors. Extrême. John Supper devrait être content. Bon. Fait qu'on termine avec Lair of the Minotaur et sur ce. Ben. Allez tous vous faire foutre. Ah oui? Oui. Ben, allez tous vous faire foutre. Go!